Situation 2. S'il vous plaît, madame, la place du marché. Alors, vous prenez la première rue à droite, vous verrez, c'est tout près d'ici.